Elle a le regard qui tue. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Elle a le regard qui tue. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. C'est toute la nuit en clôté. Elle est pas dans le même que les filles d'à côté. Je la regarde dans les yeux, hein, c'est autant mon cocktail. Elle m'a vu dans le véhicule, me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle se manque avec mon génie Instagram. Prends mon temps pour mon Facebook, que moi j'ai pas Instagram. Elle me fait la grande la madame. J'ai rien pour toi, moi je vis toujours dans le bas de gamme. Je plonge dans ses yeux, je m'y vois. Je la regarde, je m'y vois. Plonge dans ses yeux, je m'y vois. Je la regarde, je m'y vois. Elle a le regard qui tue, tue. Je veux l'entendre, Chiquita. Si elle me quitte pas, Chiquita. Chiquita. Chiquita. Elle a le regard qui tue, Chiquita. Je veux l'entendre, Chiquita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Mais où t'étais, gars? Je t'imaginais comme ça quand j'étais seul. Des fois tu me fais la gueule. Rien qu'on fait les fiers, rien qu'on s'engueule. Je vois plus rien avant sans vous le magique. Je m'évade de mes traits. Cheveux lambeaux, j'aime bien les gentils et simples. Pas besoin d'aller la chercher en lambeaux. Elle me trouve beau, même quand je le suis pas. Suis-moi, je te suis, elle, je la suis, elle me suit, moi. Cheveux lambeaux comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Nikita. Elle a le regard qui tue, Nikita. Cheveux lambeaux comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Je veux l'homme comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Nikita. Hey, merci bien la zone. Hey, merci la zone. Hey. Faites du faites du bruit pour la team Joula, les vaillants. Merci la zone. FM tu selfie. Merci bien la zone. Merci en tout cas. C'était super. Bravo. Et encore merci. Bon courage à vous et bon courage à tous dans la salle au fait. Hein. Je vous souhaite que le bonheur, que le meilleur. Merci pour tout ce que vous m'avez fait. Je peux, tout le temps, je suis obligé. Bon, on est chaud.